Je suis Birdie Duck. J'ai traversé les âges, les régimes, les révolutions, les contre-révolutions et les retours à la normale, qui sont souvent des retours à l'injustice, mais avec de nouveaux slogans. Et j'ai appris une chose simple, presque mécanique. Quand une société va bien, elle parle peu de justice sociale. Elle n'en a pas le temps. Elle consomme, elle investit, elle se congratule. Quand une société va mal, en revanche, elle parle fort, très fort. Elle manifeste. Elle bloque des routes, des usines, des ports, des plateformes logistiques. Elle occupe les places, les ronds-points, les fils d'actualité et parfois même les prétoires. Depuis plusieurs décennies, les mobilisations se succèdent. Elles changent de nom, de couleur, de hashtag, mais elles racontent souvent la même histoire. Des ouvriers voient leurs entreprises fermer ou partir ailleurs au nom d'une compétitivité internationale qu'ils n'ont jamais élue. Ceux qui restent travaillent plus, plus vite, plus longtemps, avec des contrats plus fragiles et une reconnaissance plus rare quand elle existe encore. Des agriculteurs descendent régulièrement dans la rue pour nous rappeler qu'on ne nourrit pas un pays avec des prix écrasés, des dettes accumulées et des injonctions contradictoires. Ils parlent de revenus insuffisants, d'endettement chronique, de dépendance aux marchés mondiaux et surtout de ce sentiment lancinant de ne plus maîtriser ni leur travail, ni son prix, ni parfois leur avenir. Des mouvements féministes rappellent, chiffres à l'appui, que l'égalité juridique ne suffit pas à faire disparaître les écarts de salaire, la ségrégation professionnelle, ni la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires ou à temps partiel. Le droit a promis, la réalité a temporisé. D'autres mobilisations contre le racisme et les discriminations soulignent que l'accès au diplôme, à l'emploi stable ou aux positions de pouvoir reste profondément inégal selon l'origine sociale. Selon le territoire, selon le capital culturel ou symbolique, on n'entre pas dans la société par la même porte quand on n'a pas la même adresse, le même nom ou les mêmes réseaux. Ces mobilisations ne relèvent ni de la simple émotion, ni de la coïncidence. Elles sont visibles, répétées, parfois anciennes. Elles reviennent comme des fièvres mal soignées. Elles expriment toutes sous des formes différentes un même malaise, celui d'un écart durable entre la promesse d'égalité et l'expérience vécue des positions sociales. Autrement dit, elles posent une question simple et profondément dérangeante. Comment une société distribue-t-elle les places, les ressources, les protections, les perspectives? Et pourquoi cette distribution semble-t-elle si obstinément résistante au changement? C'est précisément là que commence la réflexion sur la structure sociale. On me convoque parfois pour parler de structure sociale comme on convoquerait un plombier pour inspecter une canalisation, une affaire technique, froide, presque hygiénique. C'est une erreur. La structure sociale n'est pas une conduite d'eau, c'est le plan de la maison, et surtout la répartition des chambres. Qui dort à l'étage, qui dort près de la chaudière, qui ne dort pas parce qu'il travaille de nuit pour que la maison reste éclairée. Derrière cette expression un peu raide, structure sociale, se cache une question très simple et très inconfortable. Pourquoi les places ne sont-elles pas distribuées au hasard? Pourquoi certains cumulent-ils patrimoine, diplôme, sécurité professionnelle et visibilité sociale, quand d'autres accumulent petit boulot, temps partiel contraint, incertitude et fatigue chronique? Pensez cela, ce n'est déjà plus être neutre. C'est refuser l'idée que le monde social serait le produit d'une immense compétition équitable, arbitrée par le seul talent et l'effort. Au XIXe siècle, Karl Marx pose la question sans détour avec une brutalité presque clinique. Il observe les sociétés industrielles et refuse de se contenter de mesurer les écarts de richesse. Il montre que ces écarts sont fabriqués, produits, organisés. Dans le capitalisme, ce qui distingue fondamentalement les individus, ce n'est ni leur morale ni leur bonne volonté, mais leur position face aux moyens de production. Certains les possèdent. D'autres ne possèdent que leur force de travail. De là naissent des classes sociales objectives définies par leur place dans le système productif et structurées par un conflit central, la lutte des classes. Chez Marx, parler de structure sociale, ce n'est jamais décrire un paysage. C'est mettre en lumière une fracture, une ligne de faille qui traverse toute la société. C'est un petit peu compliqué, mais je vous expliquerai tout cela. Quelques décennies plus tard, Max Weber arrive avec une inquiétude différente, moins martiale, plus désenchanté. Il ne nie pas l'importance de l'économie, mais refuse de réduire la société à un seul axe de domination. Il propose une lecture plus complexe, plus fragmentée, presque plus moderne. La structure sociale repose selon lui sur plusieurs dimensions. Les classes, liés aux ressources économiques et aux chances sur le marché, les groupes de statut liés au prestige, à l'honneur, à la reconnaissance sociale et les partis liés à la lutte pour le pouvoir politique. On peut être dominé économiquement et reconnu symboliquement ou l'inverse. Ici encore, rien de neutre. Derrière les catégories savantes se cache toujours la même question, celle des chances de vie et de leur distribution profondément inégale. Là aussi, c'est compliqué et une fois encore, je vous expliquerai. Marx, Weber, c'est le 19e et le début du 20e siècle. Alors on pourrait croire ces analyses dépassées, un monde de cheminées d'usines, de casquettes ouvrières et de notaires à favoris. Il suffit pourtant d'ouvrir un journal. Lorsque le mouvement des Gilets jaunes surgit à partir de 2018, il exprime le sentiment diffus de ne plus avoir de place lisible dans le récit officiel du progrès, hausse du coût de la vie. Éloignement des services publics, stagnation des salaires, impression persistante de contribuer sans jamais être entendu. Les mobilisations agricoles rappellent année après année que certaines professions restent structurellement fragilisées par la concentration foncière et la dépendance aux marchés mondiaux malgré leur rôle vital. Les inégalités entre les femmes et les hommes montrent quant à elles que la structure sociale ne s'est réduite ni au revenu ni à l'emploi. Elle s'inscrit dans des trajectoires familiales, les carrières interrompues, les emplois invisibles. Ces mobilisations ne sont pas des anomalies, ce sont des révélateurs. Toutes ces situations convergent vers un même diagnostic. Des groupes entiers ont le sentiment que leur position sociale se dégrade ou qu'elle est durablement méprisée, invisibilisée, fragilisée. Ce sentiment ne peut être compris sans analyser la manière dont une société organise, stabilise et légitime ses inégalités. C'est pour cela que l'on commence par Marx et Weber, non par nostalgie académique, mais parce qu'ils obligent à poser dès le départ les questions qui fâchent. Penser la structure sociale, ce n'est pas seulement produire des tableaux et des graphiques. C'est décider si les écarts observés relèvent du supportable, du corrigeable ou de l'inacceptable. Et cette décision, qu'on le veuille ou non, engage toujours une vision du monde, une société à ajuster à la marge ou une organisation profondément inégale à interroger jusque dans ses fondations. Je suis Bordidoc. Et je n'ai jamais vu une société se transformer sans commencer par regarder, lucidement, la façon dont elle distribue ses places.